franceinter.com. Le soupçon est permanent et hante l'état-major américain. Dans quelle mesure peut-il faire confiance à l'allié pakistanais dans sa lutte contre les talibans ? Un allié qui jouerait double jeu et n'aurait jamais cessé de soutenir et même manipuler ces talibans qui sont plus puissants que jamais et contrôlent déjà plus ou moins 70% du territoire afghan. La question est donc récurrente. Elle est au centre des réflexions de l'administration Obama, qui voudrait bien se désengager du bourbier afghan et a d'ailleurs rendu public le calendrier du retrait des forces de la coalition à l'occasion de la dernière réunion des pays membres de l'OTAN. Un calendrier idéal, car on ne voit pas aujourd'hui, à moins de reconnaître l'échec de la Force internationale d'assistance à la sécurité, son nom officiel, comment Washington pourrait retirer ses troupes. Où se trouve la solution ? Dans une négociation avec les talibans ? Mais avec lesquels ? Les bons ou les mauvais ? Comme on a désormais l'habitude de les nommer. Dans ce grand jeu, plus compliqué que jamais, le Pakistan, qui s'est toujours intéressé de très près à son voisin, est un partenaire dont on ne peut se dispenser. Mais la vérité oblige à dire que malgré les milliards de dollars offerts à Islamabad, les Pakistanais continuent à jouer leur propre partie et à considérer que le conflit afghan est aussi un autre aspect de la perpétuelle rivalité qui les oppose à l'Inde dans le sous-continent. Monsieur X essaie donc de décrypter les enjeux en cause et d'y voir plus clair dans les manœuvres tortueuses des services secrets pakistanais, le redoutable ISI, dont on a récemment beaucoup parlé chez nous aussi à propos de l'attentat de Karachi. Mere sohne ya, mere mehrban, mere haniya, mere dil jaan. Pour commencer, ça vous donnera une idée de la situation inconfortable dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis. Je voudrais vous raconter une anecdote assez édifiante. Il y a quelques mois, un taliban, un certain Mansour, se débrouille pour faire savoir au commandement allié en Afghanistan qu'il est prêt à entamer les négociations en vue de son ralliement. Et qui est ce Mansour, là ? C'est un mollah, un important chef taliban qui est recherché depuis longtemps, mais qui appartiendrait plutôt à l'aile modérée du mouvement. Alors un homme avec lequel on peut discuter. Et ça correspond exactement à la nouvelle ligne que préconisent les Américains, et dont ils conseillent l'adoption au président afghan, Karzai. L'ouverture de négociations avec les talibans. La seule solution possible, puisqu'à l'évidence, une victoire totale sur le terrain paraît, elle, impossible. Ce qui n'a pas empêché Barack Obama d'envoyer 30 000 hommes en renfort. Parce que les alliés veulent partir en position de force. Et pas comme au Vietnam en 1975. Ou les soviétiques en 1989 dans ce même Afghanistan. En tout cas, l'offre du mollah Mansour est prise très au sérieux. Et on parle alors. Bien entendu. Et au plus haut niveau, puisque Mansour est même conduit au palais présidentiel afin de rencontrer Karzai. Et les discussions se poursuivent pendant des mois, jusqu'au jour où, au cours d'une réunion dans la ville de Kandahar, un homme qui a bien connu le mollah Mansour crie à l'imposture. Quoi, Mansour n'est pas Mansour ? C'est ça, c'est avec un faux Mansour que les Américains et le gouvernement afghan ont entamé des négociations. Conclusion. Il semble probable que le mystificateur, un modeste commerçant, n'a pas agi de son propre chef. Il a été manipulé. Je pense qu'il faut chercher du côté de l'ISI, le service de renseignement pakistanais. D'accord, mais quel était l'objectif de cette manœuvre ? Brouiller les cartes. Et surtout gêner les tentatives des Américains et du président Karzai de négocier une solution politique avec les talibans. Ouais, mais pourquoi ? Encore un peu de patience et je vous explique. Auparavant, je voudrais vous donner une autre preuve de ce que j'avance. Au début de 2010, on apprend l'arrestation à Karachi d'un gros poisson. Le mollah Baradar, bras droit du célèbre mollah Omar. Omar qui est le véritable chef des talibans. Hein. Des talibans afghans. En principe, oui. Parce qu'il y a aussi les talibans pakistanais. Enfin, nous verrons cela un peu plus tard. Alors, je reviens au mollah Baradar, adjoint militaire du mollah Omar, et à sa capture qui est présentée comme la prise la plus importante depuis 2001. Elle a eu lieu à Karachi, avez-vous dit. Donc, elle a été effectuée par les Pakistanais. Les services secrets pakistanais ont réagi conjointement avec la CIA. Et j'emploie le conditionnel à dessein, car l'affaire n'est pas très claire, en tout cas. Immédiatement, on se dit qu'en capturant ce chef taliban, le Pakistan a voulu donner un gage de bonne volonté aux Américains qui lui reprochent de ne pas agir assez fermement contre les islamistes en général et les talibans en particulier. Mais dans un second temps, on commence à se poser des questions. Quelles questions ? Le mollah Baradar, il faut le noter, appartient à la même tribu pachtoune que le président Karzai. Il aurait même autrefois rendu un imminent service à son compatriote. Quoi ? En 2001, alors que Karzai venait de créer un front hostile aux talibans, il avait failli tomber dans les mains de ces derniers. Et c'est Baradar et ses combattants qui l'auraient sorti de ce guépier. Sacré délire. Oui, parce que vraisemblablement, Karzai aurait été mis à mal sans l'intervention du mollah. Et là, c'est donc la solidarité tribale qui a joué. On peut l'imaginer. Donc, il existe des connivences entre les deux hommes. Et Abdul Ghani Baradar est certainement l'un des hommes les mieux placés pour nouer des contacts avec le pouvoir afghan et entamer cette éventuelle réconciliation entre les diverses factions afghanes. Taliban compris, monsieur. À cause de ses bonnes relations avec Karzai ou de son éventuelle modération. Le mollah Baradar est considéré par ceux qu'il connaissent bien comme un chef taliban ouvert, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs d'être un dirigeant militaire déterminé. Un seul exemple, c'est lui qui a donné comme consigne à ses hommes de planter des fleurs sur les routes empruntées par les convois de la force internationale. Des fleurs. C'est ainsi que Baradar désigne les engins qui explosent au passage des véhicules. D'accord. D'autre part, Baradar est aussi un politique. C'est lui qui représente le mollah Omar à la Shura de Quetta. Qu'est-ce que c'est ça, la Shura de Quetta ? Pour simplifier, la Shura, c'est le conseil exécutif des talibans. Et elle est établie en territoire pakistanais. Plus précisément au Balouchistan, dans la ville de Quetta. Mais est-ce que, avant son arrestation, là, des contacts se sont concrétisés entre Baradar et le pouvoir afghan ? Directement avec Karzai, je ne crois pas, mais probablement avec ses frères. Ah ouais. Alors, en le capturant, les services pakistanais mettent fin, de fait, à cette esquisse de rapprochement. Et il faut observer qu'après Baradar, une vingtaine de talibans appartenant à la même tendance sont eux aussi arrêtés par les Pakistanais. Et c'est d'autant plus troublant que ces gens, parfaitement connus de l'ISI, se déplaçaient sans grande difficulté au Pakistan. Ouais. Donc leur soudaine arrestation a une signification. Bah, c'est bien ce que je voulais vous dire. Ouais. Alors l'explication. Oh, c'est très simple. Les Pakistanais ne sont pas hostiles par principe à une négociation, mais ils veulent y être associés et même la contrôler. Et la meilleure façon pour eux de s'impliquer, c'est que les discussions s'engagent avec des talibans qu'ils auront choisis. Ouais, leurs talibans, ça. C'est à peu près ça, oui. Donc ils sont prêts à saboter toutes les tentatives qui n'auront pas reçu leur aval. Ça signifie en tout cas que le Pakistan considère que l'Afghanistan est sa chasse gardée. Bah, il y a en effet un peu de ça. Les militaires pakistanais ont une expression pour désigner cette tutelle qu'ils entendent exercer sur leurs voisins. Ils disent que l'Afghanistan leur assure une profondeur stratégique. Ouais, ça, c'est de la langue de bois militaire. Hein. Vous avez raison. Mais dans le jargon des généraux pakistanais, ça veut dire qu'en cas de conflit armé avec leur ennemi intime, l'Inde, ils pourront se replier sur le territoire afghan, d'où ils conduiront éventuellement une contre-offensive. Et cette hostilité vis-à-vis de l'Inde, c'est l'un des piliers idéologiques du gouvernement d'Islamabad, hein, depuis l'indépendance et la partition du sous-continent en deux États. L'Inde et le Pakistan, qui deviennent aussitôt des ennemis irréductibles, en particulier parce que cette division s'est opérée à partir de critères religieux. Et vous savez bien que quatre guerres les ont déjà opposés. Cependant, la possession par ces deux États de l'arme nucléaire peut laisser espérer que, dissuasion aidant, ils n'entreront plus en guerre. Bah, c'est en effet souhaitable pour tout le monde. Mais il existe toujours des foyers de tension, à commencer par le Cachemire, que les deux pays se disputent. Ouais, le Cachemire officiellement placé, pour partie, sous tutelle indienne. Mais qui est une province majoritairement peuplée de musulmans. Donc le Pakistan, État islamique, en revendique la possession intégrale et fomente là-bas des troubles de façon incessante. Et l'ISI y a encouragé la création de redoutables mouvements terroristes. Mais quand nous en avons parlé autrefois, vous m'avez aussi dit que les Indiens, qui ne veulent pas lâcher la moitié de Cachemire qu'ils contrôlent, y conduisent une politique quasi colonialiste. Ah bah c'est certain, la répression indienne est féroce au Cachemire. Mais revenons à l'Afghanistan, où il y a là aussi la rivalité Pakistan-Inde, et ça joue à plein. L'Inde n'a pas de frontière avec l'Afghanistan. Certes, mais l'influence indienne est de plus en plus importante en Afghanistan. Un seul chiffre pourra vous convaincre. Depuis 2001, les Indiens ont investi 1,5 milliard de dollars en Afghanistan dans la construction de routes, d'écoles et d'autres infrastructures. Ils ont accordé au pays un autre milliard d'aides financières. Et au Pakistan, on ne pense pas que c'est par amour des Afghans. Ah voilà. Alors, il suffit de regarder une carte. Si les Indiens prenaient pied en Afghanistan, sous une forme ou sous une autre, les Pakistanais auraient le sentiment d'être pris en tenaille. Au nord, l'Afghanistan, au sud, l'Inde. Et au nord-est, le Cachemire. La peur de l'encerclement. Et pour les militaires pakistanais, ça prend parfois la forme d'une véritable psychose. Et ce n'est pas innocent. En répandant l'idée que leur pays est perpétuellement sous la menace de l'Inde et de complots émanant de l'étranger, ils présentent l'armée comme la seule institution capable de garantir l'intégrité du Pakistan. Rendez-vous avec X. Quelques précisions supplémentaires à propos du Mollah Baradar. Je les ai trouvées sur le blog de ma consœur du Nouvel Observateur, Sarah Daniel, en novembre 2009. Je cite « Le Mollah Baradar est l'homme du terrain. C'est lui qui supervise les attaques, arbitre les disputes entre les commandants, sillonne l'Afghanistan pour donner ses consignes. Il conseille aux combattants de concentrer leurs attaques sur les petits convois. Nouveauté chez les talibans, Il aurait aussi prévenu qu'il tiendra ses hommes pour responsables de la mort de leurs compagnons afin de renforcer leur solidarité. On murmure enfin qu'il serait plus ouvert que nombre de ses congénères de Quetta. Selon Molvi Rahmani, ancien taliban qui vit à Kaboul, en 2004, le mollah Bahadur aurait autorisé une délégation de talibans à approcher le président Karzai avec une offre de paix qui a tourné court. Considéré comme l'un des hommes les plus proches du mollah Omar, qui se cantonnerait plutôt à un rôle spirituel, il serait aujourd'hui le plus apte à conduire des négociations avec le gouvernement de Karzai. Je vous propose maintenant de remonter à l'origine du mouvement taliban et à la responsabilité de l'ISI dans cette création. Un mot auparavant sur ce service secret, la l'ISI, qui semble jouer un rôle si important. On a même l'impression que c'est un état dans l'état au Pakistan. ISI, c'est l'acronyme de Inter-Service Intelligence. Et c'est le service de renseignement de l'armée le plus important des trois services secrets du pays. D'autant que, vous l'avez dit, l'armée est très puissante au Pakistan. Et quand elle n'exerce pas directement le pouvoir, comme sous Zia-ul-Haq ou Musharraf, elle contrôle étroitement le gouvernement, surtout quand le pouvoir civil, et c'est le cas aujourd'hui, est discrédité et miné par la corruption. Les observateurs les plus perspicaces affirment même que l'armée n'a pas besoin de perpétrer un nouveau putsch. Elle détient déjà la réalité du pouvoir. Le vrai numéro un du pays étant le chef d'état-major Afkak Kayani, un ancien patron de l'ISI. Et ce n'est pas bien sûr tout à fait un hasard. Alors l'ISI, là... Ce service de renseignement a toujours joué un rôle politique éminent. Mais naturellement, c'est sous la dictature militaire de Zia-ul-Haq qu'on a assisté à sa véritable montée en puissance. Dans les années 80, donc. C'est-à-dire au moment où le Pakistan s'islamise à outrance et où se développe chez le voisin afghan la lutte armée contre l'envahisseur soviétique, oui. Dans ce contexte, l'ISI s'impose comme l'intermédiaire obligé entre les moudjahidines afghans et tous ceux qui entendent les soutenir financièrement et les armer. À commencer par les États-Unis. Et l'Arabie saoudite, mais ce ne seront pas les seuls. Des États arabes et des puissances occidentales apporteront aussi leur obol ou à défaut des combattants. Ouais. Et tout ça, alors, ça passe par l'ISI. C'est en effet le service pakistanais qui entraîne les moudjahidines, les aide à passer la frontière afghane et leur procure des armes achetées avec l'argent de tous ces généreux contributeurs. Mais en même temps, j'imagine que c'est là que vous voulez en venir, la l'ISI fabrique des militants islamistes radicaux. Bien entendu. Autant d'individus qui, lorsque l'armée rouge se sera retirée de l'Afghanistan, se retourneront contre leurs anciens bienfaiteurs. Essentiellement les occidentaux. Et aussi les monarchies arabes accusées de corruption. Alors, quel est le jeu de l'ISI à ce moment-là? La victoire des Moudjahidines en Afghanistan, c'est aussi la victoire du Pakistan. Par conséquent, l'ISI va exploiter ce succès et pousser ses poulains à la conquête du pouvoir à Kaboul. Et qui sont ces poulains, comme vous dites? Ce sont les seigneurs de la guerre qui ont combattu les soviétiques. Un Gulbuddin Hekmatyar, par exemple, ou encore Jaluddin Haqqani, un important chef de tribu. L'objectif étant de créer à Kaboul un pouvoir stable et surtout ami. Mais pour l'ISI, il n'y a pas que l'Afghanistan. Le service a contribué à former des légions d'islamistes déterminés, de djihadistes, comme on va désormais les appeler. Ouais, ou les Afghans, parce qu'ils ont combattu en Afghanistan. Et ce sont autant de candidats au terrorisme qui vont être utilisés par l'ISI au Cachemire, en Inde et ailleurs. Ouais. Et ces militants radicaux-là sont aussi parfois de futurs recrues de Ben Laden. En effet. Il est exact qu'au moins dans les décennies 80 et 90, Al-Qaïda et l'ISI ont eu partie liée. Il ne faut pas oublier que Ben Laden s'est installé très tôt au Pakistan et qu'il a installé ses camps d'entraînement dans les zones tribales pakistanaises, tout près de la frontière afghane. Mais ça se gâtera plus tard. Et les talibans, alors? J'allais y venir. Il vous faut d'abord savoir que les talibans, qui sont étymologiquement des étudiants. Étudiants en théologie. Oui, donc ces étudiants ont été formés dans des écoles coraniques, des madrasas, situées dans les camps de réfugiés afghans installés au Pakistan. Et en grande majorité, ce sont des Pashtuns, sous la férule du mollah Omar, qui a combattu les soviétiques par les armes, Il se crée donc un mouvement politico-religieux qui va être instrumentalisé par l'ISIL. Et pour quelle raison alors ? Parce que la situation afghane devient de plus en plus chaotique. Et l'ISIL, qui a d'abord soutenu les seigneurs de la guerre en espérant qu'ils arriveront à s'entendre entre eux, se rend assez rapidement compte que le plus grand désordre règne à Kaboul et dans tout le pays. D'où l'idée, en 1994, de lancer les talibans à l'assaut du pouvoir. Pour rétablir l'ordre. Exactement. Et notez-le bien, que ces zélateurs d'un islam rigoriste et partisans d'une justice expéditive vont réussir. Partout où ils s'imposent, ils apportent la sécurité. Et c'est ce que demande une population qui a connu des années de guerre et de troubles divers. Et comment ça se passe alors avec ces chefs de guerre là, issus des rangs des Moudjahidines ? Il y a des conflits, des bagarres, mais finalement, les talibans s'installent au pouvoir. Est-ce que l'aide de l'ISI a été déterminante ? Certainement. L'ISI a même détaché des officiers pour encadrer les rangs des combattants talibans. Je ne parle pas de l'aide financière et matérielle. Et sous le régime taliban, là, est-ce qu'on peut dire que l'ISI fait la pluie et le beau temps en Afghanistan ? Non, ce serait exagéré, car il faut aussi tenir compte de la susceptibilité afghane. L'ISI est donc plutôt le grand frère. C'est-à-dire que les liens sont quand même étroits. Oui. Par exemple, quand Hamid Karzai, réfugié au Pakistan, entreprend de constituer un front anti-taliban, il est immédiatement expulsé par l'ISI. L'ISI qui ne doit donc pas porter dans son cœur. Et c'est réciproque. Ça explique beaucoup de choses. Enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Et avec, bien sûr. Et avec Ben Laden là, qui profite de la victoire des talibans pour s'implanter durablement en Afghanistan, comment ça se passe ? Ah, c'est beaucoup plus délicat. Presque instinctivement, l'ISI, émanation d'un pouvoir fort et farouchement nationaliste, se méfie de ces djihadistes internationaux qui viennent s'entraîner au terrorisme dans les camps d'Al-Qaïda. Et pourtant, le service pakistanais a concouru au développement de ces mouvements radicaux. Certes, les Pakistanais, comme les Américains, au temps de la guerre contre l'envahisseur soviétique, pendant, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont joué avec le feu. Mais, d'accord. Mais objectivement, Ben Laden est un allié des talibans. Oui, mais un allié encombrant, dès lors que les États-Unis, avant même le 11 septembre 2001, vont le désigner comme leur cible prioritaire. Je vous rappelle qu'il y aura, à la fin des années 90, des bombardements américains sur les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Non. Non, l'ISI tolère et même soutient activement les groupes extrémistes à condition de pouvoir les contrôler et de s'en servir. Et les meilleurs spécialistes de la région estimeront qu'il y en avait une bonne quarantaine basés au Pakistan au début des années 2000. Et tout va changer ou s'accélérer après le 11 septembre. Évidemment. Il y a d'abord la guerre que les Américains vont mener en Afghanistan à partir du mois d'octobre. Contre les talibans et Al-Qaïda. Hein. D'abord les bombardements. Puis l'intervention de troupes au sol. Et pour l'ISI, c'est très préoccupant. Les Pakistanais doivent eux-mêmes récupérer en vitesse leurs officiers qui assistaient les talibans. Ensuite, il a bien fallu accepter d'accueillir les militants islamiques qui fuyaient devant les troupes américaines et leurs alliés de l'Alliance du Nord. Ouais, et beaucoup vont trouver refuge là dans ces fameuses zones tribales. Et d'un autre côté, le gouvernement pakistanais subit des pressions de plus en plus importantes de Washington, qui lui demande de participer à la guerre contre le terrorisme. Et Islamabad peut difficilement dire non. C'est certain. Mais les Pakistanais peuvent toujours essayer de ruser. L'idéal pour satisfaire les Américains serait de mettre la main sur Ben Laden. Ah oui, et de le livrer. Parfaitement. Mais les talibans qui continuent à protéger Ben Laden se refusent à trahir leur allié. Alors, toujours pour répondre de façon apparemment positive à la demande des États-Unis, le président Musharraf va procéder à une purge dans les rangs de l'ISI. Et il en expulse les plus hauts cadres accusés de sympathie pour les talibans. Mais c'est un faux semblant, car dans le même temps, l'ISI, pourtant censé coopérer avec les services de renseignement occidentaux, comme la CIA, crée une structure clandestine qui va apporter son soutien aux talibans. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. J'ai trouvé confirmation de ce double jeu dans un ouvrage de l'un des meilleurs connaisseurs de la région, Ahmed Rachid. Je cite. Placé sous la surveillance des agences occidentales, l'ISI ne pouvait pas à la fois aider la CIA et gérer les talibans auxquels il avait offert un refuge. Ce double jeu se révélait institutionnellement complexe pour l'ISI. Cet obstacle fut aplani par la création d'une nouvelle organisation clandestine qui allait opérer dans la sphère civile en dehors de la structure militaire et des services de renseignement. D'anciens formateurs des talibans, des officiers pachtounes à la retraite et tout particulièrement les gardes-frontières furent réembauchés. Ils installèrent leurs bureaux dans des résidences privées de Peshawar, de Quetta ou d'autres villes sans lien avec la direction des bureaux locaux de l'ISI ni avec l'armée. La plupart de ces agents exerçaient un emploi régulier travaillant sous le couvert d'un poste de coordinateur pour les réfugiés afghans, de fonctionnaires, de chercheurs à l'université, de professeurs de collège, voire d'employés d'organisations humanitaires. Le livre d'Ahmed Rachid, « Le retour des talibans » a été publié par les éditions de La Villa en 2009. Est-ce que les services occidentaux se laissent abuser ? Non, ils ne sont pas dupes. Leurs agents ont bien repéré les trafics à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan dans les fameuses zones tribales. Et ils savent que les talibans peuvent aisément faire des allers-retours. Ouais. Un mot peut-être alors sur ces zones tribales où vivrait peut-être Ben Laden ? S'il est encore vivant, ce dont je ne suis nullement sûr, mais on en reparlera peut-être un jour. Oui, volontiers. Hein. Les zones tribales donc. Elles sont au nombre de 7, rassemblent à peu près 3 millions de Pashtuns et dépendent en principe du gouvernement fédéral. Mais en réalité, le pouvoir est depuis toujours exercé par les instances tribales qui sont même autorisées à y rendre la justice. Autre particularité, ni l'armée ni la police ne peuvent y pénétrer. Ah, c'est une zone de non-droit alors. Pas tout à fait, mais un territoire montagneux, peu accessible et bien pratique pour ceux qui veulent s'y cacher ou s'y entraîner dans des camps clandestins. C'est en réalité une sorte d'issue de secours permanente pour les talibans qui combattent les forces alliées. En même temps, l'existence de ces zones tribales permet aux autorités pakistanaises de protester de leur bonne foi quand on les accuse de protéger les talibans. Ouais, une bonne excuse, hein. Elles mettent ça sur le compte de la survivance de ce système archaïque. Et pourtant, l'armée pakistanaise s'est assez récemment résolue à pénétrer dans au moins l'une de ces zones tribales. Et puis il y a les drones américains là, qui effectuent de nombreux bombardements. C'est exact, mais fondamentalement, ces zones tribales demeurent une citadelle pour les talibans. Il n'y a pas que ces zones. Plus au sud, autour de Quetta, dans le Baloutchistan, les talibans peuvent agir impunément et lancer des attaques vers l'Afghanistan. Et là encore, alors on peut accuser les Pakistanais de duplicité. Oui, et de temps en temps, pour apaiser les Américains, l'armée pakistanaise lance des attaques contre des camps talibans et surtout ceux où se trouvent des combattants arabes et des membres d'Al-Qaïda. En réalité, c'est un curieux pas de deux auquel se livrent les Américains et les Pakistanais. Expliquez-moi plus précisément là. Washington, qui sait parfaitement que les combats contre les talibans se jouent aussi au Pakistan, demande aux autorités d'Islamabad de faire preuve de fermeté. Et en contrepartie, on lui promet des livraisons d'équipements militaires ou de l'argent. Alors là, à partir de là, les Pakistanais font un geste. Ils arrêtent des militants ou livrent des combats dans les zones tribales ou à la limite de celles-ci. Ils ont même accepté que la CIA installe une base secrète dans les zones tribales. Une base à partir de laquelle les Américains peuvent tirer des missiles contre les insurgés. Mais les Pakistanais ne peuvent pas aller trop loin pour au moins deux raisons. D'abord, l'opinion pakistanaise est manifestement anti-américaine. Et donc plutôt favorable aux islamistes. Et ensuite, les Pakistanais ne veulent pas s'engager contre tous les talibans. Parce que pour eux, il y a les bons et les mauvais. Enfin, je vous propose de voir cela un peu plus tard parce que c'est fondamental. Par contre, effectivement, ils ne rechignent pas à s'attaquer aux islamistes les plus radicaux dont la présence représente un grand danger pour le pouvoir pakistanais. Ouais, d'autant que le terrorisme frappe de plus en plus le Pakistan. Et la situation s'est singulièrement dégradée depuis 2007 avec la multiplication des attentats suicides, un climat d'extrême violence. Est-ce que ça signifie que l'ISI ne parvient plus à contrôler ces mouvements radicaux qu'il a soutenus, sinon créés ? C'est plus compliqué que cela. L'un des événements les plus spectaculaires, celui en tout cas qui a exacerbé la colère des islamistes, a été l'attaque de la mosquée rouge d'Islamabad en juillet 2007. L'attaque par l'armée pakistanaise ? Oui, et il y a eu au moins une centaine de morts. Il s'agissait pour le gouvernement pakistanais, encore dirigé par le général Musharraf, de venir à bout des militants radicaux qui s'étaient retranchés dans la mosquée rouge. Un foyer de terrorisme au sein même de la capitale fédérale. Mais après ce sanglant assaut, on a fait de curieuses constatations, même si on ne l'a pas crié sur les toits. On a par exemple trouvé dans les sous-sols un centre de transmission secret qui était connecté avec le siège de l'ISI. En conclusion, ces islamistes étaient instrumentalisés par l'ISI qui voulait déstabiliser le général Musharraf. Autre événement notable, l'assassinat de Benazir Bhutto en décembre 2007. Il m'étonnerait que l'ISI soit tout à fait étranger à cette tragédie. Oui, mais avec quel mobile alors ? Se débarrasser d'un adversaire politique populaire et hostile à l'armée. Et en même temps, embarrasser Musharraf, soupçonné d'être trop conciliant avec les Américains. Ouais. Mais est-ce que l'ISI est une structure homogène ou est-ce qu'il existe, des divisions ? Le service, qui était autrefois réputé pour la discipline qui régnait dans ses rangs, est aujourd'hui beaucoup moins uni. Et malgré trois purges opérées par le pouvoir à la tête du service, il est certain que l'influence des islamistes s'y exerce toujours. En outre, il n'est pas exclu que certains éléments en liaison avec d'anciens dirigeants de l'organisation prennent des initiatives personnelles favorables aux islamistes les plus radicaux. Et c'est maintenant un ancien patron de l'ISI qui dirige l'armée, m'avez-vous dit. Et face à des dirigeants politiques faibles ou démonétisés, c'est un peu comme si l'ISI était au pouvoir. Bien sûr, je simplifie, mais je ne dois pas être loin de la vérité. Alors il est peut-être temps de m'expliquer la différence entre les bons et les mauvais talibans. Du point de vue pakistanais, en tout cas. Au fond, c'est assez simple. Les bons talibans sont ceux qui permettraient au Pakistan d'installer à Kaboul un régime qui lui soit favorable. Un régime sous influence. C'est ça. Et les mauvais talibans sont, d'une part, ceux qui sont prêts à pactiser avec le président afghan Karzai. Et d'autre part, ceux souvent autochtones qui fomentent des troubles à l'intérieur du Pakistan et voudraient s'emparer du pouvoir à Islamabad. Ouais. Donc, on combat les mauvais et on protège les bons. Et c'est l'une des explications du double jeu pakistanais. Parce qu'on a parfois du mal à faire la différence entre les divers mouvements talibans. Par conséquent, pour les Américains, la politique pakistanaise vis-à-vis des talibans semble assez peu lisible. Ouais. Et un peu de précision, là, qui sont les bons talibans ? Ils sont essentiellement représentés par deux clans. Le clan Haqqani, d'abord, installé au nord, Waziristan. Une zone tribale. Oui, ouais. Et c'est à partir de cette base que ces hommes combattent très activement en Afghanistan. Le clan Haqqani, malgré ses liens anciens avec Al-Qaïda, est pourtant considéré comme relativement modéré par les dirigeants de l'ISI qui le soutiennent et se sont, par exemple, opposés à ce que des attaques soient menées au nord Waziristan. Parmi les bons, et basé lui aussi dans cette même zone tribale, il y a encore le clan Bahadur. Son chef, Hafiz Gul Bahadur, affirme être le chef des talibans de la région. Et comme ses alliés du clan Haqqani, il opère uniquement sur le théâtre afghan. Et les autres, alors, les mauvais ? Ils sont surtout représentés par le clan Mersoud, installé au sud Waziristan et en Orakzai, une autre zone tribale. C'est ce clan qui est à l'origine de l'émergence d'un mouvement taliban pakistanais qui a vraiment pris forme après l'attaque meurtrière contre la mosquée rouge. Ouais. Et ceux-là veulent donc s'emparer du pouvoir au Pakistan. Oui, et c'est pourquoi l'armée pakistanaise s'est attaquée frontalement à ces combattants dans la vallée de Swat, où ils avaient établi une sorte d'émirat islamique avec l'application de la charia. Ouais. Et si je me souviens bien, les combats ont été rudes. Hein. Parce que les Messoudes disposent d'une dizaine de milliers d'hommes expérimentés qui ont opposé une solide résistance à l'armée pakistanaise. Il faut aussi ajouter que le clan Mesoud bénéficie également du soutien d'Al-Qaïda et de 1500 djihadistes étrangers. Ouais. Et ils ont été finalement vaincus. En 2009, oui. Ouais. Et le chef du clan, Baitullah et peut-être même son fils ont été tués par des missiles américains. L'engagement américain a donc été décisif. Là. Important, en tout cas. Car je pense qu'à Washington, on a eu très peur. La vallée de Swat n'est pas très éloignée de la capitale fédérale Islamabad. Et donc, danger. Et aux États-Unis, on n'oublie jamais que le Pakistan est une puissance nucléaire et que la prise du pouvoir par des islamistes pourrait être catastrophique. C'est pourquoi aussi, malgré la duplicité dont font preuve en permanence les Pakistanais, les Américains sont presque obligés de les soutenir. Au fait, entre les bons et les mauvais talibans, là, où se situe le premier d'entre eux, le Mollah Omar ? Dans la mesure où lui ne s'intéresse qu'à la lutte en Afghanistan, les Pakistanais pourraient le ranger parmi les bons. Toutefois, il semble bien que le créateur historique des talibans ait beaucoup perdu en influence. Pour clore cet entretien, je voudrais vous livrer une clé supplémentaire pour déchiffrer les vraies motivations du Pakistan dans cette affaire. La ligne Durand, ça vous dit quelque chose ? Oui, je crois que c'est la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est exact. Mmh. Une ligne dessinée au temps de la colonisation par un militaire britannique nommé Durand. Et à l'époque, le Pakistan n'existait pas encore. Non, c'était l'Inde. À Kaboul, on n'a jamais reconnu cette frontière fixée par le colonisateur. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quand même la montagne là, qui forme une frontière naturelle. Certes, mais le dessin de cette ligne fait fi de l'implantation des populations. Or, des deux côtés, il y a des Pashtuns. Les Pashtuns, l'ethnie la plus importante en Afghanistan. Et qui a tout le temps régné sur le pays. D'ailleurs, les Pashtuns ont toujours eu tendance à considérer qu'ils étaient les vrais Afghans. Mais de l'autre côté de la frontière, au Pakistan donc, il y a 30 millions de Pashtuns. Deux fois plus qu'en Afghanistan. Et les Afghans, qui n'ont jamais reconnu officiellement le tracé de la frontière, estime que ces Pashtuns pakistanais ont vocation à devenir un jour ou l'autre des Afghans. Et ce serait la réunification de l'ethnie Pashtun. Et cette hypothèse nationaliste fait très peur à Islamabad. C'est pourquoi les Pakistanais font tout pour qu'un régime islamique Pashtun s'installe à Kaboul. Le meilleur moyen pour eux d'étouffer les velléités nationalistes Pashtun. Et donc de repousser la création d'un Pashtunistan qui ferait sécession. Une thèse que M. X a peut-être empruntée à l'anthropologue français Georges Lefeuvre. Des livres pour éclairer cette question, déjà cités « Le retour des talibans » d'Ahmed Rachid, « L'enjeu afghan » d'Olivier Hubach et Mathieu Anquez chez André Versailles, « Réseaux islamiques, la connexion afghano-pakistanaise » de Mariam Abou Zahab et Olivier Roy chez Autrement, et retour à Peshawar du grand reporter du Figaro, Renaud Girard, tout juste paru chez Grasset. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca Donnant a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djoub qui lui a donné quelques notes de couleur. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou, on part dans le vert.